Mes amis, il faut que je vous dise, quel week-end de superstar j'ai passé. Non mais vous avez vu ce triomphe à Los Angeles? 5 Oscars pour Helmut! Pas un, pas deux, pas trois, non, pas quatre, 5 bordel de casque à pointe, 5! Meilleur premier rôle pour mon interprétation dans L'Arrêt de Charles, dont j'ai parlé la semaine dernière. Meilleur scénario pour mon adaptation du roman charcutier, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Meilleure musique pour ma composition libre du Requiem pour Salope. Meilleure chanson pour Mange ton slip Daphné, la chanson du film Vera Drake sur l'avortement. Et enfin, meilleur montage pour l'ensemble de mon œuvre. Oh putain, 5 statuettes rien que pour moi! Oh, vous pensez si j'ai fait un discours qui payait sa chatte? My dear friends and colleagues from the cinema business, I am happy. I know I am one fucking good actor, a fantastic chanteur, and a danseur de claquettes incroyable. But do I merit tant d'honneur? Yes, I believe I do. I see pas mal de radas I humiliated in this business. So much bonheur for you, American Grognas. Lucky salops. You know my talent is very strong. And pourquoi I have pas beaucoup de mérite to be so génial? En tout cas, merci very much! Et comme on dit chez les Schwarzenegger, I'll be back. Alors bien sûr, après la cérémonie, mon Christophe, c'était la fête. Ah, là aussi, ah, quelle ambiance! Bon, à la fin de la soirée, c'était difficile, je vous le cache pas. Ah, une espèce de malentendu idiot avec Sharon Stone. Non, non, non, non, non, non. Charlotte, arrête, insisted. Oh, but Helmut, I want your fantastic body. Oh, calme ta happiness, Sharon. Oh, I am just a dream for you. If you try me, you vouloir me garder, and pas possible. My life is shit si you partir. Oh, don't exagérer, sweetie. If you part, I suicide myself. Putain, heureusement qu'elle a assez conne pour se louper à bout portant. Elle s'est tirée une balle dans le miroir du salon. Bon, je vous laisse. J'ai un pipi. Au revoir, Zen.